J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas. À tous ceux qui ont été traumatisés par les cours d'histoire dans leur jeunesse, mais aussi à tous ceux qui ont rêvé de trouver un trésor, de consulter de vieux parchemins, de connaître l'histoire de sa ville, cette chronique est faite pour vous. Aujourd'hui dans J'aime pas l'histoire, et après la chronique vous présentant les archives en général, intéressons-nous aux archives municipales de Nancy, histoire de s'y retrouver et de vous transmettre la passion très addictive de la recherche en archives. Par où commencer? D'abord, leur adresse. Les archives municipales se situent aux 3 rue Henri Bazin et sont ouvertes les mardis et jeudis de 8h30 à 16h30 et les vendredis de 8h30 à 15h30. Les archives sont ouvertes à tous, librement et gratuitement. Une pièce d'identité est exigée au moment de l'inscription. Les archives municipales sont aussi présentes sur Internet grâce à leur site www.archives.nancy.fr et grâce à leur page Facebook. Les archives municipales conservent les documents provenant des assemblées, des administrations et établissements publics municipaux et les documents qui leur sont remis à titre onéreux et gratuit. Et ça fait beaucoup, environ 6,5 km de linéaire de documents. Il existe plusieurs séries d'archives émises à différentes époques. Alors par où commencer? Eh bien par le début. Et le début, c'est souvent la lettre A. En effet, les archives publiques anciennes, qui regroupent les documents émis par la commune de Nancy entre le Moyen-Âge et 1789, date du début de la Révolution française, sont classées en 9 séries thématiques qui portent les codes AA jusqu'à II. Que signifient ces lettres? Chaque lettre correspond à un thème précis. Ainsi, la série AA correspond aux documents concernant les actes constitutifs et politiques de la commune, la correspondance. Les codes BB correspondent à l'administration communale. CC, ce sont les documents qui correspondent aux finances et impôts et comptabilité. DD regroupe les biens communaux, eaux et forêts, travaux publics et voiries. Les documents classés EE concernent les affaires militaires. Les documents dans la série FF concernent la justice, les différentes procédures judiciaires ainsi que la police. Dans la série GG, vous trouverez les documents relatifs au culte, à l'instruction publique ou à l'assistance publique. Dans la série HH se trouvent les documents en rapport avec l'agriculture, l'industrie ou le commerce. Enfin, la série II regroupe les documents divers. Les séries modernes comprennent les documents produits par les différents services municipaux entre 1789 et 1982. Elles sont organisées en 19 séries thématiques, cotées de A à T. Chacune comprend plusieurs sous-séries. Enfin, les archives contemporaines, les documents parvenus aux archives depuis 1982, sont classés dans la série W. Il existe aussi des archives privées qui sont regroupées dans la série Z et qui proviennent de dons, de dépôts de particuliers ou d'associations. Les documents figurés sont également classés et consultables aux archives. Ils sont classés en fonction de leur typologie. Ça peut être des cartes, des plans, des photographies. Une fois que vous vous rendez aux archives et en fonction de vos recherches, consultez les inventaires présents sur place et vous trouverez les codes précis des documents qui peuvent vous intéresser. Il ne reste plus qu'à faire la demande des documents qui vous intéressent, puis vous plonger dans l'océan d'informations qu'ils contiennent. Les archives abritent aussi une bibliothèque composée de nombreux ouvrages à consulter, ainsi que des périodiques comme l'Est républicain ou le Pays Lorrain. Alors pour mieux profiter de tant de richesses, n'hésitez pas à vous rendre aux archives municipales pour mieux connaître l'histoire de votre ville et découvrir ses trésors. Pas besoin de résoudre des énigmes, ni de chercher une carte portant un X. Rendez-vous aux 3 rue Henri Bazin. À bientôt.